Hé, Julien, lève-toi! Il est 7h30. Encore mal réveillé, Julien se frotte les yeux et bâille. Des tentes voisines, on entend des rires joyeux. Vite, dépêchons-nous, j'ai faim! Un quart d'heure plus tard, le groupe se retrouve de bonne humeur à la cantine. J'espère que vous avez bien dormi, leur dit Alex en les accueillant. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une bonne condition. Oh là là! Dit Daniel un peu mal à l'aise. Qu'est-ce qu'on va faire? Demande Luc intéressé par le programme de la journée. Nous allons observer l'intérieur d'un volcan. Le moniteur sourit d'un air mystérieux. Quoi? L'intérieur du cratère? Demande Daniel. Luc encourage son ami. Allons, n'aie pas peur. Les volcans sont éteints depuis longtemps, ils sont arrondis et couverts de verdure. De bon appétit, les ados mangent de la baguette, des biscottes, du beurre et de la confiture. Et qu'est-ce qu'ils boivent? Naturellement du café et du bon lait d'Auvergne. Hé, regarde, le car est déjà arrivé, s'écrie tout à coup Daniel. En criant et se bousculant, la bande se précipite dans le car et les voilà partis en direction du puits. Alex commente le voyage. Nous traversons la Margeride, un haut plateau légèrement accidenté, qui a une hauteur moyenne de 1400 mètres. Ce plateau est parfois surmonté de rochers qui, sous l'effet de l'érosion, ont pris des formes bizarres. Mais quand même, elle est assez monotone, la Marguerite, avec ses pâturages et ses bois de sapin, remarque Daniel. Ce n'est pas la Marguerite, c'est la Margeride, dit Sébastien et éclate de rire. Que tu es nul en géographie, se moque Luc. Ah! Regardez, des vaches! S'exclame Sébastien. Sébastien n'a jamais vu de vache de sa vie, réplique Daniel d'un air ironique. Allez, arrêtez. Eh bien, le lait de ces vaches donne le bleu d'Auvergne, un fromage qui ressemble au Roquefort, ajoute Alex. Mais le Roquefort est fait avec du lait de brebis, interrompt Julien triomphant. Tu as raison. Demain, je vais vous en raconter davantage. Nous allons bientôt arriver au puits. N'oubliez surtout pas vos sacs à dos dans le car.